journaliste Ndikoma Nyanga. Rukumana sur la mise en onde, bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce mardi 21 juillet 2020. Donc voici d'abord les principales articulations. Certains candidats aux élections collinaires en province Makamba dénoncent la politisation de cette échéance. De certains se plaignent qui sont rayés sur la liste, mais le président de la CEPI Makamba tranquillise que ceux qui seraient rayés injustement sur la liste seront rétablis dans leurs droits. Les activités de la semaine dédiées à la santé mère-enfant se déroulent normalement dans toutes les sous-collines des collines de la province Lomongue. Une mesure prise pour éviter des attroupements de plusieurs personnes afin de se prévenir contre la propagation de la coronavirus. Les travaux d'extraction des matériaux de construction dans la rivière Nyabagere de la sous-colline Muyaga. Nous sommes en zone urbaine de Guihosha, menacent les habitations environnantes. Constat fait ce mardi par l'Office burundais de protection de l'environnement. Et dans la chronique santé de ce mardi, l'on vous parlera de la lithiase biliaire, une maladie caractérisée par la présence de calculs biliaires au niveau de la vésicule. Bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouverture d'une retraite gouvernementale de 2 jours en province d'Ngozi ce mardi. Cette retraite gouvernementale a aussi vu la participation des nouveaux gouverneurs des provinces. Dans son discours d'ouverture, le président de la République a demandé aux membres du gouvernement de travailler en synergie pour l'intérêt de tous les citoyens. L'occasion sera aussi, selon Évariste Ndayishimiye, de rappeler aux citoyens qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement du pays. Je vous le disais en titre, grogne de certains des candidats aux élections des conseils collinaires qui se sont vus rayés des listes. Ils parlent de 2 poids 2 mesures provenant de différentes communes de la province Makamba. Ils ont passé toute la journée de ce lundi au bureau de la CEPI Makamba, munis de lettres pour porter plainte afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Ils déplorent le fait de ne pas être membre que le fait de ne pas être membre du parti au pouvoir soit un critère de leur suppression, ce qu'ils qualifient d'injuste, arguant que la candidature aux élections collinaires soit indépendante. À ce sujet, le président de la commission électorale et provinciale indépendante de Makamba dit que les plaintes de ceux qui se sont confiés à cette commission ont été toutes réceptionnées. Il reste à les analyser pour voir si elles seraient valables et si oui, réhabiliter les plaignants dans leurs droits. Poursuit le président de la CEPI Makamba, Philemon Nahabandi, fait savoir que le code électoral stipule que la candidature d'un candidat aux élections des conseillers de la colline n'est pas liée à sa formation politique. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page santé à présent, les activités de la semaine dédiée à la santé mère-enfant qui ont débuté ce mardi au Burundi se déroulent dans toutes les sous-collines des collines de la province Lomongue. Docteur Jean-Claude Ndikumasabo, médecin provincial de Lomongue, explique qu'il s'agit d'une mesure visant à éviter des attroupements de plusieurs personnes afin de se prévenir contre la propagation de le coronavirus. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Sur les sous-collines des quartiers Mugomere et Kanyenkoko de la ville de Lomongue, où nous sommes passés ce mardi matin, les activités liées à la semaine santé mère-enfant, constituées par la distribution de l'albendazole et de la vitamine A selon la catégorie des gens concernés, se déroulaient normalement. Ces activités qui se déroulaient auparavant au centre de santé se délocalisent vers les sous-collines pour éviter la formation de grands groupes de personnes et cela dans l'optique de se prévenir contre la propagation de la pandémie du coronavirus au cas où il y aurait un cas positif au COVID-19 parmi les participants dans ces activités. selon Dr Jean-Claude Ndikumasabo, médecin directeur du bureau provincial de santé de Rumonge. Sur le terrain, des enseignements en ce qui est de la lutte contre la propagation du COVID-19 sont donnés aussitôt après la distribution de l'albendazole et de la vitamine A, un menu reçu après le lavage des mains à l'eau propre et au savon. Plus de 250 000 personnes, enfants âgés jusqu'à 14 ans et des femmes enceintes au deuxième et troisième trimestre confondus, sont concernées par ces activités en province Rumonge, selon des chiffres disponibles au bureau provincial de santé de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago de Rumonge. Rendons-nous à Gitega, où le nombre d'accidents de roulage va en augmentant dans cette province du centre du pays. Tel que le précise le commissaire de police dans cette province, il indique que les causes principales de ces cas d'accident sont l'ignorance du code routier pour certains conducteurs de véhicules, motocyclettes et bicyclettes, et de l'augmentation en effectif de ces moyens de déplacement comme solution. Il parle de l'organisation des séances de formation sur le code routier en faveur de ceux qui l'ignorent et de tenue d'une réunion de prise de décision allant dans le sens de réduire des cas d'accidents de roulage. De Gitega, Jérémy Bigila, correspondance. Les statistiques fournies par la police à Gitega montrent que pendant le premier semestre de l'année dernière 2019, seuls 70 cas d'accidents de roulage ont été enregistrés dans la province de Gitega, avec 8 décès et 88 personnes blessées. C'est au moment où, pendant le seul premier semestre de cette année 2020, 138 cas d'accidents de roulage sont déjà enregistrés, avec 16 décès et 113 personnes est blessé. Et pour toute l'année dernière 2019, 213 cas d'accidents de roulage ont été enregistrés à Gitega avec 26 décès et 244 personnes blessées. Le commissaire provincial de la police à Gitega, OPC 2 Habogurimana Evariste, indique que ces chiffres sont très élevés et vont en progressant. À propos des causes principales de ces accidents, cet officier de police dit que c'est entre autres l'ignorance du code de la route pour pas mal de conducteurs de véhicules, motocyclettes et vélos, surtout les conducteurs de motocyclettes et taxis. L'exemple illustratif qu'il donne, c'est le non-respect du sens unique d'un tronçon de route goudronné situé autour du marché central de Gitega par certains motards et cyclistes. Il parle aussi de l'augmentation du nombre de véhicules, motocyclettes et vélos suite au relèvement du niveau de vie de certains gens, mais aussi l'insuffisance précaire des panneaux de signalisation routière. Comme remède, il compte organiser une réunion à laquelle participeront les responsables, les administratifs et les conducteurs de véhicules, motocyclettes et vélos, afin de dégager des recommandations permettant la réduction des cas d'accidents. Il envisage en outre l'organisation des séances de formation sur le code routier pour ceux qui l'ignorent, sans oublier l'implantation des panneaux de signalisation routière partout où c'est nécessaire. Depuis Gitega, Jean Bigila pour la radio Isanganiro. Merci à Jérémy Bigila pour tous ces détails. Certains commerçants détaillants du chef-lieu de la province Makamba vendent le savon dit Bururu à 200 francs une pièce et d'autres 500 francs trois pièces. Cela disent être au courant du prix de 150 francs fixé par le gouvernement burundais. Le respect du prix serait manque à gagner car un carton de 18 pièces est à 7000 francs bouché les semi-grossistes. Les semi-grossistes, de leur côté, parlent d'un prix élevé auquel ils reçoivent ces savons entre 6700 et 6800 francs bout par carton. Les détails avec Jérôme Hakitiman. Certains kiosques boutiques du chef-lieu de la province Makamba, où nous sommes passés, l'on vend le savon dit Bururu à 200 francs bout une pièce ou 500 francs bout trois pièces. À la question de savoir si cela ne serait pas dû à la méconnaissance de la mesure présidentielle relative, ces commerçants détaillants nous ont signifié qu'ils en sont au courant, mais que vendre au prix de 150 francs bout par pièce serait un manque à gagner, car un carton de 48 pièces l'achète à 7000 francs bout chez les semi-grossistes de Makamba, ce qui porterait à un bénéfice de 200 francs bout par carton, sans compter les frais de déplacement. Toutefois, nous avons pu trouver les deux places où on le vend à 250 francs bout une pièce. Cela nous a indiqué que c'est par contrainte crainte, la peur d'être emprisonné une fois attrapé, qu'ils le vendent à ce prix. Après avoir écoulé ce qui nous reste au stock, nous renoncerons à cet article, ont-ils ajouté, car ça ne procure presque rien du tout comme bénéfice. Les semi-grossistes de leur côté, ceux qui se sont exprimés par les dons prix exorbitants auxquels ils reçoivent ces savons, lequel prix variant entre 6700 francs à 6800 francs un carton de 48 pièces. Lors d'un point de presse ce samedi à Makamba, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Pierre Ngulikiye, a invité tous les secteurs, surtout l'administration et la force de l'ordre, à faire respecter le prix de 150 francs la pièce chez les détaillants, 5750 francs par carton de 48 pièces chez les distributeurs agréés et 6050 chez les semi-grossistes. Jérôme Akizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. C'était notre confrère correspondant Jérôme Akizimana à partir du sud du pays. Parlons culture à présent. Les artistes et les acteurs culturels contribuent dans la promotion de l'économie du pays. C'est ce qu'a dit le directeur général de la culture et art lors d'un atelier de renforcement des capacités des artistes, des acteurs culturels et des cadres du ministère de la culture sur le contenu de la convention de 2005 relatif à la protection et la promotion de diversité culturelle organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, sciences et culture en collaboration avec le ministère de la Culture. Aimable Ngunzungami demande aux artistes de rassembler les efforts pour développer leur carrière. On l'écoute. Nous avons trouvé que malgré que les artistes continuent de s'améliorer eux-mêmes, je vais vous informer effectivement que nous avons pu organiser des concours culturels là où ils ont échangé de l'expérience. Mais nous voulons que les artistes burundais soient au même niveau que les artistes de la sous-région, même les artistes au niveau continental. C'est la raison pour laquelle, après cette formation, nous pensons que ces artistes auront une autre formation qui va les pousser à produire des activités au bien de bonne qualité. Nous former les participants sur le contenu de cette convention de 2005 de l'UNESCO qui se base sur la protection et la promotion de la diversité culturelle en diffusant mais aussi en vulgarisant le contenu du texte de ces derniers ainsi que des directives opérationnelles. Deuxièmement, nous voulons démontrer l'intérêt de la culture en tant que création d'emplois mais aussi de la création de revenus. Une autre chose, c'est montrer le rôle et la place des artistes dans la société burundaise. Nous voulons alors échanger sur la problématique du secteur, mais aussi trouver quelques solutions, notamment la mise en commun des forces pour travailler dans les associations, dans les coopératives, etc. Et après ça, nous allons constater qu'il y aurait une amélioration de qualité sur les activités, sur la production et les autres activités qui se font d'ici et là par les artistes burundais. Propos recueillis par Ezekiel Ndikoumenayo. Revenons sur la page politique. Ouverture d'une retraite gouvernementale de 2 jours en province d'Ngozi ce mardi. Cette retraite gouvernementale a aussi vu la participation des nouveaux gouverneurs de province. Dans son discours d'ouverture, le président de la République a demandé aux membres du gouvernement de travailler en synergie pour l'intérêt de tous les citoyens. L'occasion sera aussi, selon Évariste Ndayishimiye, de rappeler aux citoyens qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement du pays. On l'écoute. Comprenez bien, cher ministre, que chacun doit intervenir dans son domaine, mais aussi savoir qu'il y a une interdépendance des ministères que vous dirigez. Chacun ne doit non plus échapper à ses responsabilités et surtout doit être conscient que ne pas accomplir son travail ou mal l'accomplir se répercute sur tous les ministères et au final, c'est le gouvernement qui est critiqué. Aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler aux membres du gouvernement qui doivent travailler pour l'intérêt de tous, mais aussi de rappeler à la population qu'elle doit contribuer au développement du pays. Le chef de l'État, traduit par mon frère Robin Niyonguru, page sécurité. Certains habitants de la zone urbaine de Buterere au nord de Bujumbura, la capitale économique, ont été appréhendés dans la matinée de ce mardi par la police burundaise. Les voisins de ceux qui ont été arrêtés ignorent la cause réelle de ces arrestations. Le porte-parole de la police nationale fait savoir que le rapport sur cette situation ne lui était pas encore parvenu dans l'avant-midi de ce mardi. Les détails avec Sylvie Boukouto, stagiaire à la radio Isanganiro. Certains habitants de la zone de Buterere, qui habitent au nord de la ville de Bujumbura, ont été appréhendés ce mardi matin par la police nationale. Leurs voisins et leurs familles nous décrivent la situation. Ils venaient avec un papier dans les mains et notre policier a dit à son voisin de lui montrer la liste et en entrant dans ma maison, ils m'ont demandé si j'ai un fils et m'ont demandé où se trouvait mon mari. J'ai dit que mon mari est en Tanzanie. Après, ils se sont dirigés vers mon voisin et ils l'ont arrêté car son nom se trouvait sur la liste. Ces derniers ignorent la cause de ces arrestations du fait que ceux qui ont été arrêtés étaient en ordre avec leurs documents. Ils demandent à la police de préciser les motifs de cette arrestation. Qu'ils nous informent. Nous demandons à être informés pour qu'on sache quoi faire. Parce que nous n'avons rien fait de mal. Nous ne possédons pas d'armes ou quoi que ce soit. Par contre, nous ne sommes pas tranquilles à cause des perquisitions continuelles. Le porte-parole de la police nationale fait savoir qu'il n'a pas encore reçu le rapport de cette situation et précise qu'il va s'exprimer dans notre édition ultérieure. Merci à Sylvie Boukouto, stagiaire à la radio Isanganiro. Une courte pause. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons environnement à présent. Les travaux d'extraction des matériaux de construction dans la rivière Nyabagere, dans la sous-colline Muyaga, dans la zone urbaine de Gihusha, menacent les habitations environnantes. L'Office burundais de protection de l'environnement parle d'une exploitation qui ne respectait pas la loi et appelle à la cessation de toutes ces activités. Les détails avec Charles Makoto qui s'est rendu sur les lieux. Shiza Safi, chef de la sous-colline 3 d'Ikwibombo, parle ici de l'extraction du moellon, du gravier et de la fabrication des briques comme des menaces aux maisons riveraines de cette rivière Nyabagera à l'endroit communément appelé Kumatafari. Ces matériaux sont entassés sur les rives de cette rivière où ils sont extraits à une profondeur comprise entre 15 et 20 mètres dans le lit de cette rivière Nyabagere. À part ces travaux, des trous creusés dans la fabrication des briquets sont autant de menaces qui guettent les maisons en cas de la saison pluvieuse. Comme l'indique ici Chiza Safi, dont la maison est également menacée par l'effondrement suite à ces trous. La priorité des instances qui offrent les autorisations d'extraction et de fabrication des briques et le non-respect de la loi environnementale sont entre autres défis auxquels fait face le BPE, comme l'indique l'ingénieur Fonse Ndaboroheye, responsable de l'Office burundais de protection de l'environnement à mairie de Bujumbura. On constate que les gens n'ont pas suivi. Ils ont, les exploitants ont continué à exploiter à l'insu, malgré l'interdiction qui a été donnée par l'administrateur. Il demande la suspension de tous ces travaux d'extraction et de fabrication des briques, car selon lui, la situation est très préoccupante. Nous craignons le pire, parce que bientôt, il y aura la pluie. Et quand on regarde l'endroit-ci, dans quelques mois, tous ces rives, toutes ces collines vont s'écouler. Et à l'État, il appelle à la mobilisation des fonds pour construire les berges de cette rivière en vue de protéger les riverains de la rivière Nyabagere. Charles Makoto, une évaluation sera faite sur l'usage des emballages biodégradables et les sacs en plastique. Ceci a été dit par le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Deogui Derulema indique que les sachets devraient être bannis lors de la préparation des pépinières pour arbres fruitiers et différentes espèces d'arbres. Pour certains habitants de la commune Wihinyuza en province Muyinga, la population met en avant une matière dérivée de la banane en remplacement des sachets. Les détails avec Mireille Kanyang. Léoncine Hishaki est l'une des habitants de la colline Nhobgé, en commune Buhinyuza de la province Muyinga, près d'une pépinière en préparation. Elle nous parle de la procédure de fabrication de ces matériaux locaux. Nous sommes en train de préparer les pépinières. Nous mettons de la terre dans ce genre de pot biodégradable préparé à l'aide de la banane. Nous prenons la tige de la banane, nous l'enfouillons, puis nous prenons les feuilles de cette banane et les mettons sur cette tige. Et enfin, nous mettons une corde. Les sachets sont rares. Pour cela, nous utilisons des matériaux produits localement. La fabrication des produits locaux et biodégradables devrait être privilégiée afin d'éradiquer l'usage des sachets et autres emballages en plastique, dit le ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage de Ogi de Rurema. Nous sommes en train de faire une dernière évaluation pour montrer la réalité sur le terrain. Et nous allons montrer l'état d'avancement de cette période, mais aussi nous allons informer les commerçants que la période a expiré. Le décret présidentiel portant interdiction de l'importation, de la fabrication et de l'utilisation des sachets et autres emballages en plastique date du 8 août 2018 et le délai de grâce de 18 mois pour écouler les stocks disponibles et les commandes passées a pris fin le 8 février de cette année. Radio Isanganiro, chronique santé. Je vous le dis en titre, la lithiase biliaire est une maladie caractérisée par la présence de calculs biliaires au niveau de la vésicule. Docteur Claude Mbonichura, chirurgien, précise que 80% des cas sont asymptomatiques. Il ajoute que l'un des symptômes observés chez les 20% des cas est la douleur brutale dans le creux de l'estomac ou sous les côtes du côté droit, ne dépassant 6 heures. Le jeûne prolongé et les grossesses multiples sont certains facteurs de risque de la maladie. Et ce spécialiste précise que les femmes sont les plus touchées par la maladie. Ornella Mucho pour plus de détails. Il y a deux types de lithiase biliaire. Docteur Mbonichula Jean-Claude, chirurgien, fait savoir qu'il y a les calculs qui sont formés de cholestérol, généralement blanc ou jaune, représentant environ 80% des calculs biliaires. Selon toujours lui, ils peuvent également apparaître bruns ou noirs et ce sont des calculs pigmentaires plus rares, présents dans 20% des cas. Il précise que dans la grande majorité des cas, la lithiase biliaire ne provoque pas de symptômes et 20% des personnes ont une vive douleur comme un symptôme le plus caractéristique. La lithiase vésiculaire est caractérisée en quelques groupes. D'abord par la notion de présence de lithiase vésiculaire sans douleur, qu'on appelle lithiase vésiculaire asymptomatique, qui représente heureusement 80% des cas. Et dans les 20%, le malade présentera soit une colique hépatique, ça veut dire une lithiase vésiculaire symptomatique, souvent appelée non compliquée parce qu'il n'y a pas de signe de complication locale ou à distance. Et cette colique hépatique est caractérisée par une douleur aiguë biliaire qui a les caractéristiques suivantes: la brutalité, une intensité importante et une permanence de la douleur. Son irradiation se fait vers l'épaule droite dans la majorité des cas, qu'on appelle irradiation en hémiceinture. Des nausées et des vomissements sont d'autres symptômes observés chez la personne atteinte de la lithiase biliaire. La douleur doit durer quelques minutes, à moins de 4 à 6 heures. Dans la majorité des cas, il y a des nausées et dans quelques cas, on peut avoir des vomissements. Et quand on demande au malade d'inspirer profondément, la douleur est accentuée. Les complications peuvent être locales ou à distance. Locale, on pense automatiquement à l'infection, la cholecystite aiguë lithiasique. Et à la douleur qu'on a déjà citée, s'ajoute une fièvre. Sinon, on peut avoir aussi une complication type migration lithiasique, peut-être aiguë, souvent quand c'est de petits calculs qui passent dans la voie biliaire principale, sans signe. Si à la douleur et à la fièvre s'ajoute un ictère, on va parler d'infection de la voie biliaire principale, qu'on appelle angiocolite aiguë lithiasique. Les médicaments pris pour espacer les grossesses sont parmi les facteurs favorisant la maladie. Parmi les facteurs qui favorisent cette pathologie, on cite le sexe féminin, l'obésité, le jeûne prolongé, la nutrition parentérale, les grossesses, la multiparité. Certains médicaments comme les contraceptifs oraux, les oestrogènes et progestérone. Quelques gestes de chirurgie antérieure sur l'estomac, notamment une gastrectomie antérieure ou un bypass gastrique pour le traitement de l'obésité. Les autres facteurs sont par exemple la cirrhose, les infections bactériennes ou toute cause de stase biliaire. Il précise qu'il y a d'autres facteurs de risque de la maladie, mais il ajoute que les cailloux consommés dans la nourriture ne provoquent pas du tout cette maladie. Souvent, la lithiase vésiculaire est due à l'excès de sécrétion biliaire de cholestérol ou au défaut de sécrétion biliaire des facteurs qui favorisent la solubilisation de son cholestérol. Ça, c'est pour les calculs cholestéroliques. Pour les calculs pigmentaires, c'est souvent l'hémolyse chronique de la bilirubine qui est secondaire en particulier dans notre accès pallus à répétition. Mais ça peut être dû aux autres pathologies sanguines. Une malabsorption iléale des sels biliaires peut aussi être un mécanisme de condition des calculs pigmentaires. Dans notre prochaine chronique santé, il nous parlera du diagnostic et du traitement de la lithiase biliaire. C'est sur cette chronique santé que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.